ce serait En attendant Godot de Samuel Beckett. Parce que je l'ai joué, c'est un souvenir qui est vraiment bien ancré en moi. Et j'ai souvent envie de rejouer cette pièce. Et même à la lecture, ce qui n'est pas toujours le cas chez les auteurs dramatiques, même à la lecture, ça laisse des traces.